Thank you.

Scott, Woodrums. On y va mancher, Jean-Pierre. À tout à l'heure, je vais mancher. Yes, bad mic. C'est pas bon. Au revoir. Bye bye, au revoir. Tout à l'heure, je vais mancher.